I can't do it. C'est normal, ça a merdé à plus d'un titre. Déjà le BPM il est pas bon, personne n'a voulu changer le BPM. Le backtrack que j'ai il est à 110. Et le métronome était à 120. Et puis Dorty il a foutu le bordel au début. Putain, je m'entendais pas moi. Que c'est comme ça. Bon ben c'est fini, truc simple, je vais remettre du Malsteam. Moi j'adore jouer du Malsteam, alors. Ouais, mais quand je fais ça, il y a personne qui suit. Et avant de me coucher, je vais me défouler un peu, quoi. Yeah. C'était cool, Océan, on te prend pas le chou. Moi j'aime bien les mecs qui jouent là. Tu oses te mouiller, il y en a qui écoutent mais qui se lancent pas. Moi du moins que quelqu'un joue, ça me plaît. Thank you. Thank you.